Vous détruisez même plus haut. on est tous égaux, il n'y a pas de misère. On est tous égaux, il n'y a pas de milliardaire. On vit pour aider les autres, pas pour les envoyer au cimetière. Ne comprenez pas trop, serez-vous trop terre-terre. C'est vrai, il y a quelques milliers d'années, les gouvernements verront avaient ôté à notre code de liberté sur votre planète bleue. Mais les gens vivent par ces beautés dans ce monde idiot. Notre monde s'est enfin dématérialisé, les gens sont devenus heureux.